Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui petit traité d'une génération polyamoureuse, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Leslie Menahem, réalisée par Juliette Eman. La fiction d'aujourd'hui pose une question très actuelle, les nouveaux codes amoureux, et en particulier ce qu'on appelle polyamour. Ne cherchez pas dans le dictionnaire, ce mot n'y est pas. Mais s'il n'existe pas encore de définition officielle, les adeptes de ces nouvelles relations amoureuses ont trouvé la leur. Autrement dit, aimer plusieurs personnes à la fois et l'assumer sans que ces relations soient obligatoirement sexuelles. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas confondre polyamour avec libertinage, bien que ce soit toutes les deux une preuve de liberté et d'émancipation. Alors, le polyamour est-il une alternative au couple traditionnel? Une incitation à penser autrement les relations sentimentales? Comment accepter une liberté amoureuse totale, transparente et confiante? Peut-on changer les codes amoureux, fidélité, jalousie, possession et, pendant que nous y sommes, si le polyamour était l'avenir du couple? Le problème, c'est que dans la pratique, il peut s'avérer plus difficile à vivre qu'à dire. Il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Les déçus ou fatigués de couples traditionnels qui s'y essaient peuvent-ils laisser des plumes? Car, sans réflexion, déconstruction et remise en question perpétuelle, ce mode de conjugalité peut tourner aussi au drame. Alors, pour éviter les erreurs et continuer à aimer, se fier aux références comme Julie Jim, le film de François Truffaut ou encore la relation Sartre-Simone de Beauvoir, tiens, faut-il oublier le couple et inventer ses propres valeurs d'amour? Jeanne, l'héroïne de la fiction, nous prévient d'ailleurs, et dès le début elle dit « Les gens ont beau me dire que je ne suis pas rationnel, au contraire, je le suis. L'amour, ça ne se soustrait pas, ça s'additionne. Ça n'est pas parce que j'aime plusieurs personnes à la fois que je les aime moins, c'est l'inverse. J'ai bien plus d'amour à donner, c'est des mathématiques. » Voilà. Pour continuer ce voyage dans les fragments d'un nouveau discours amoureux et faire un clin d'œil à Roland Barthes, nous recevrons après la fiction Andrea, polyamoureuse et animatrice de sa propre chaîne YouTube intitulée « Concrètement moi ». Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. 1 plus 1 font 2, 2 et 2 font 4. Et si chacun des 4 se joigne également à 4 autres, ça fait 16. Imagine-toi que ces 16 fréquentent également 3 ou 4 autres personnes. On atteint rapidement 64. Ces 64 personnes fréquentent également chacune plusieurs personnes à la fois. C'est infini. On additionne, on ajoute, et on devient alors une multitude. On est reliés les uns aux autres comme une chaîne. Pardonne-moi ces additions, cher auditeur, mais c'est plus fort que moi. Je suis mathématicienne. Les gens ont beau me dire que je ne suis pas rationnelle. Au contraire, je le suis vraiment. L'amour, ça ne se soustrait pas, ça s'additionne. Ce n'est pas parce que j'aime plusieurs personnes à la fois que je les aime moins. Au contraire. J'ai bien plus d'amour à donner, je t'assure. C'est des mathématiques. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Petit traité d'une génération polyamoureuse. Vent de, vous, mon amour, de Leslie Menahem. Ne vous déplaise. Cher auditeur, je vais tenter par l'intermédiaire de tes oreilles attentives de te prendre par la main pour atteindre ton cœur. Oui, j'essaierai à travers l'histoire que je vais te raconter de toucher ta corde sensible, de réveiller et de révéler l'amoureux que tu es. Cher auditeur, oui. Toi qui m'écoutes dans ta voiture, en coupant tes oignons ou face à la mer, tu es peut-être un polyamoureux qui s'ignore. Alors je vais te partager un bout de mon histoire. En ce qui me concerne, ça commence en mai 68. Et ça commence avec ceux qui m'ont mis au monde. Il était une fois les amours pluriels. La génération d'avant. Dans le cabinet de notaire Marnin et Danton, à Saint-Michel, mai 1968. Bonjour. Vous êtes Don Luisa Christina Sessler, c'est ça? Oui. Paul Marnin, enchanté. Vous pouvez m'appeler Paul. Bonjour, Paul. Je m'excuse pour mon accent. Mais non, c'est charmant. Alors, c'est votre premier jour. Oui. Vous vous sentez bien, ça va? Oui, merci. Vous êtes dans l'Allemande? Oui. Louisa, c'est pas courant comme prénom. Oui, vous pouvez m'appeler Louise, ou même Lou, comme vous voulez. Mon amie Simone m'appelle Lou. Je vous appellerai Mademoiselle Sessler, si vous voulez bien. Ça vous va très bien. Entendu. Je vous montre votre bureau? Volontiers. Alors vous verrez, ici, on traite quasiment que des divorces. C'est triste? Pas du tout, au contraire. Je vous assure que c'est très gai, on rigole beaucoup. Et on essuie pas mal de scandales. Vous savez qu'en France, la première cause de divorce, c'est l'adultère? Vraiment? Il y a déjà des milliers de divorces par an en France. Et on dit qu'on arrivera à plus de 10 000 d'ici quelques années. Et dans les grandes villes, c'est pire. 50% des couples aboutiront à la rupture d'ici 30 ans. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Il ne faut pas se marier? Je ne propose rien. Je suis notaire. J'essaye de calmer les foules, de calmer les cœurs. Mon opinion personnelle, c'est autre chose. Allez-y, ça m'intéresse. Eh bien, je pense qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Peu importe le contrat qu'on a au départ, du moment qu'on ne heurte personne. Ah oui, carrément. Absolument. D'ailleurs, je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. Vous êtes un peu fous, vous, les Français, non? Allez, à la rue, Mademoiselle Sessler. On descend prendre un bain de foule. C'était mai 68. Mademoiselle Sessler, qui venait de sa petite campagne en Allemagne, regardait cette folie avec de grands yeux. On lançait quelques pavés ensemble, ça la faisait rire. On allait à des soirées d'étudiants où tout le monde couchait avec tout le monde. Et contre toute attente, alors que j'étais la bête et elle la belle, alors que j'aurais pu avoir l'âge de son père, elle tomba amoureuse de moi. Un an plus tard, dans le studio de Louisa, 11e arrondissement de Paris. Paul, pourquoi tu t'es marié si jeune? Parce que je venais d'une famille catholique. Ma femme aussi. C'était comme ça. Pourquoi vous ne divorcez pas si vous faites chambre à part depuis 30 ans? Ça n'a jamais été le Graal sexuellement. On s'est marié sans avoir couché. Et quand on l'a fait, c'était nul. Hein. Raison de plus pour se séparer, non? Non, je trouve pas. On s'accompagne. Je la soutiens financièrement. On a des enfants, on est une famille, malgré tout. T'es bizarre. T'es notaire, tu gères des divorces toute la journée, et toi, tu n'es même pas capable de divorcer. Justement. J'ai pas envie d'être comme tous ces gens qui se déchirent. Mais je voudrais une famille, moi aussi. Tu as ta femme, tes enfants, tes maîtresses, tu veux tout. Mais tu ne donnes rien. C'est faux. Je suis là pour toi, je t'aime sincèrement. Et tu sais bien que quand on est ensemble, je suis prêt à tout pour toi. Mes relations avec les autres ne te concernent pas. Tu voudrais un enfant? Je voudrais pouvoir te le donner, mais c'est impossible. J'en ai déjà deux, Paul, ça me rend triste. Je voudrais qu'on arrête de se voir pendant quelque temps. Mademoiselle Sessler... Arrête de m'appeler comme ça. Je ne rigole plus. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Une fête dans un appartement parisien, milieu des années 70. J'ai rencontré Christine à une fête. Aujourd'hui, je l'appelle Schatz. Ça veut dire chérie en allemand. Mais son vrai nom, c'est Louisa Christina. Elle m'a dit... Appelle-moi Christine, c'est plus facile. Mais certains l'appellent Louisa. Louise, ou même Lou. Faut croire que c'est une femme aux multiples visages. Moi, c'est Tony. Enchantée. J'étais divorcé, ma femme m'avait quitté à cause de mes nombreuses tromperies. J'ai beaucoup papillonné, puis... J'avais rencontré Schatz. Elle était sublime. Si blonde, alors que moi... J'étais si brun. Elle m'impressionnait. Alors j'ai dit n'importe quoi. Ça te fait peur, les juifs? Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, je me dis que tes parents ont dû traquer mes parents pendant la guerre, alors peut-être que t'aimes pas beaucoup les juifs. Mais bien sûr. Ne m'appelle pas Christine, mais Hitler, ce sera mieux. Qu'est-ce que j'avais pu être con? Non, je suis désolé. Vraiment maladroit. Elle m'avait jeté son verre de vin à la figure. Je m'étais excusé platement. On va se retrouver ailleurs. Je l'avais supplié d'accepter un dîner pour me faire pardonner. Petit restaurant. Je ne sais pas par quel miracle elle avait dit oui. Ok. Mais tu m'amèneras dans un restaurant juif, d'accord? D'accord. Au restaurant, on a beaucoup ri. Elle a fini dans mon lit. Mais rapidement, elle m'avait dit... Faut que je te dise, je fréquente quelqu'un. Il est marié, mais on a une relation à laquelle je tiens. Je voudrais continuer à le voir pour l'instant, mais je préfère qu'il n'apprenne pas ton existence tout de suite. Je sais pas comment il l'apprendrait. Aucun problème. J'ai jamais été jaloux. Allez, écris, vas-y, écris sur la nappe. Mais je vais encore faire plein de fautes. Si tu veux améliorer ton français, il faut qu'on continue les dictées. Allez, c'est parti, tu notes. Je me transformerai en albatros. Je me transformerai en albatros. C'est quoi un albatros? C'est un oiseau avec de très grandes ailes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Allez, concentre-toi. Je me transformerai en albatros quand les poules auront des dents. Oh là là, mais c'est bourré de fautes. Ça va donner du 0 sur 20, ça, mademoiselle Cécile. Paul était un amant, un ami, un père. J'étais arrivée à Paris sans personne. Je fuyais ma petite campagne allemande, religieuse, étriquée, où tout le monde avait un avis sur tout le monde, où le schéma du couple était tout tracé. Paul me faisait rire. Il n'était pas classique. Il m'aimait. Quand on était ensemble, je sentais qu'il m'aimait, moi, plus que tout. Et je commençais à penser que c'était possible, que moi aussi j'aimais Tony, et que je n'avais aucune envie de me séparer ni de l'un, ni de l'autre. Le signal était clair. Tant que la petite Peugeot blanche restait garée au coin de la rue, interdiction de monter à son studio. Paul partait généralement vers 22h. Dès qu'il déguerpissait, je grimpais. Alors j'avais attendu sagement, comme d'habitude. La Peugeot était partie et moi j'étais monté. Merde, cache-toi. C'est qui? Mais c'est lui, je sais pas. Il a dû remonter. Où est-ce que tu veux que je me mette? C'est un studio. Mais je sais pas. Dans les toilettes. Oui, j'arrive, Paul. Je voulais te dire quelque chose. C'est important. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, j'ai repensé à la question de l'enfant. Non, mais on peut en parler à un autre moment? J'allais dormir et... Non, écoute-moi. Je voulais te dire que si je pouvais pas être le père de ton premier enfant, parce qu'aujourd'hui je suis trop vieux, et que si tu voulais quand même en faire un, je pourrais être son parrain. Oui, je pourrais être le parrain de ton premier enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un? Bonjour Paul. Je m'appelle Tony. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Dans un premier temps, Paul l'avait très mal pris. Puis il avait relativisé. Il ne pouvait quand même pas demander à Louisa d'être exclusive alors qu'il ne l'était pas. Alors finalement, les deux hommes avaient sympathisé et étaient même devenus amis. Passionnés de pêche à la ligne tous les deux, ils partaient parfois ensemble. Ils aimaient attendre le poisson, immobiles, les pieds dans la vase, avec leurs cuissardes vertes leur arrivant jusqu'à la taille. Pendant des heures de silence où les truites ne mordaient jamais, ils pensaient à la même femme qu'ils aimaient et qui les aimait en retour. Ça mord? Toujours pas. Alors on attend. C'est ça. On attend. Et puis un jour, ça a mordu. Ma mère a annoncé à mon père qu'elle était enceinte. Mon parrain a décrété qu'il deviendrait mon parrain. Et puis, je suis née. Un 11 octobre. La génération d'après. Et puis j'ai grandi comme ça. Avec deux hommes qui m'aimaient. J'avais un foyer classique avec papa et maman. Mais mon parrain, que j'appelais parrain, nous amenait parfois en vacances avec ma mère. Et dormait avec elle. Et me promenait au parc. Et m'avait appris à skier comme un deuxième père. Et je grandissais comme ça. Cher auditeur, crois-moi, il y avait beaucoup d'amour. Alors je ne voyais pas le problème. Pourtant, à l'école, mes réactions surprenaient parfois la maîtresse. Je t'aime, tu aimes, il aime. Oui, très bien, continue Jeanne. Nous nous aimons, vous vous aimez. Oui, c'est bien, mais là, il n'y a pas de raison d'utiliser les pronoms personnels. Donc, nous aimons, vous aimez. Oui. Il ou elle aime. Très bien. Je vous aime. Tu es adorable. Et j'aime aussi Dimitri, Maïmouna, Léa et Farid. Non. Tu ne peux pas aimer plusieurs personnes à la fois. Bah si. Oui, tu peux les apprécier, mais tu ne peux pas aimer tout le monde. Mais si. Et puis à l'adolescence, mes réactions surprenaient parfois les garçons. Bon Jeanne, on se voit ce soir ? Ce soir, je peux pas. Je vois Farid. Comment ça ? Bah oui. Je sors avec Farid. Tu te fous de ma gueule ? Mais pas du tout. Je vous kiffe tous les deux. Vous êtes mes mecs. Tu te fous de ma gueule ? Mais pas du tout. C'est ça, t'as raison, sale pute. Je ne voyais pas le problème. J'aimais plusieurs personnes. Et plusieurs personnes m'aimaient. Alors pourquoi ne pas vivre les choses simplement ? Mais je m'étais faite traiter plusieurs fois de fille légère, salope, pute. Alors peu à peu, une fois les pulsions adolescentes mises de côté, je m'étais rangée. J'étais devenue ce qu'on appelle monogame, par convention sociale, pour ressembler davantage aux autres. Jusqu'au jour où j'avais entendu parler du mot polyamour. Bonsoir. Bonsoir à tous. Automne 2018, bonsoir. Café de Paris. Je me présente, Gabriel. Bonsoir. Je suis le maître poli d'aujourd'hui. Voilà. Celui qui vous guidera tout au long de cette soirée. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis là pour vous aiguiller. Voilà, j'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous vous posez des questions ou que vous êtes curieux. Ouais. Bien. Bien, bien. Alors, n'hésitez pas à venir me voir ou à poser des questions aux anciens, mais... Comme j'aime bien dire, et les autres feront résonner les mots avec moi en cœur, en Polynésie, il y a plusieurs îles, les polyglottes parlent plusieurs langues, et les polyamoureux ont plusieurs amours. Voilà. Et quand on a compris ça, on a déjà compris beaucoup de choses. Merci, merci, merci. Il fallait y penser. Nous sommes tous des êtres pluriels. Nous avons plusieurs amis, plusieurs collègues, plusieurs enfants. Nous les apprécions tous différemment. Chacun d'eux nous font découvrir d'autres parties de nous-mêmes. Ils nous enrichissent et nous les enrichissons. Et pourtant, nous n'y hiérarchisons pas. Je ne vais pas aimer mon fils plus que ma fille. Je vais les aimer différemment. Je ne vais pas confier les mêmes choses à mes amis ou avoir exactement les mêmes conversations parce que mes rapports sont différents. Et c'est ça qui est riche. Alors pourquoi agir autrement en amour ? Pourquoi ne pourrait-on aimer qu'une seule personne ? Au détriment de qui ? De quoi ? Excusez-moi, je peux poser une question ? Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait de la jalousie ? Très bonne question. Je te remercie de me la poser. Personnellement, je ne suis pas jalouse, mais je connais beaucoup de personnes qui le sont et c'est un sentiment naturel, je crois. Oui, la jalousie est notre plus gros challenge à nous, les polis. Nous travaillons sur cet état d'âme tous les jours et nous prenons la compersion. La compersion. La compersion, c'est être heureux du bonheur de l'autre. Vouloir son bonheur, c'est l'opposition de la jalousie. Ce n'est pas parce que la personne que j'aime s'épanouit avec un ou une autre qu'il m'aimera moins. Voilà. Prenons l'exemple en amitié. Ce n'est pas parce que mon pote Jean-Jacques boit un café avec sa copine Corinne qu'il m'aimera moins. Oui. Mais nous continuerons de parler de tout ça tout à l'heure, si tu veux bien. Je vous laisse maintenant avec Pablo, hein, qui nous a préparé un super exposé pour notre café Polyphilo. Pablo, si tu veux bien nous rejoindre. Oui. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler amour et monde animal. Non, attendez, je ne vais pas vous parler zoophilie, hein, je vous rassure tout de suite. Chez les animaux, comme vous savez, il est très rare de trouver de vrais couples, et encore moins des couples fidèles. Les conditions de survie d'une espèce dépendent de la reproduction. L'animal n'est donc a priori pas fait pour être monogame, puisque le mâle multiplie les partenaires sexuels. Donc l'être humain peut tout à fait se baser sur... Utiliser des arguments de macho pour pouvoir baiser à tout va. Ça va deux minutes, là. Non, mais c'est vrai. Attendez, j'ai pas fini. Je dis pas ça du tout. Je parle des animaux. Je dis pas qu'on est comme eux. C'est juste intéressant d'analyser leur comportement. Oui, mais moi, j'en ai marre que les mecs utilisent n'importe quel type d'argument pour avoir le droit de se vider les couilles sans prévenir. Non, calmez-vous, mademoiselle. Je vous en prie, restez polie, s'il vous plaît. Non, mais je crois que je suis pas polie, justement, hein. Pas polyamoureuse, quoi. Non, mais attendez, votre truc de polyamour, là, c'est de l'hypocrisie. Hein, c'est pour les bobos parisiens qui mangent vegan et qui assument pas qu'ils sont libertins. Mais bien sûr que si. Attendez, excusez-moi. En fait, il faut pas tout confondre, madame. Il faut pas tout confondre. On n'est pas hypocrite chez les polyamoureux, justement. Les relations sont assumées, rien n'est caché. On parle même de polyfidélité, si vous voulez savoir. Toutes les relations sont déclarées. Vous me faites bien rire. Mademoiselle, personne ne vous oblige à être là. Eh bien, moi, je vous obligerai bien à être moins con. Attendez, je ne vous permets pas. Non, du calme, s'il vous plaît. Non, restez assise, c'est dommage. Non, mais c'est bon, partout. Ben non, mais elle prend ses affaires et puis on continue, voilà. J'ai cru que ça allait dégénérer. On n'en parle pas. Ceci dit, on a l'habitude. Il y a beaucoup de gens que ça dérange. C'est sûr. Et qu'est-ce que tu fais de l'albatros, alors? Pardon ? Tu parlais des animaux polygames. Mais l'albatros hurleur, qui vit plus de 50 ans, conserve la même partenaire d'année en année. Et il y a d'autres oiseaux dans son cas, d'ailleurs. C'est peut-être parce que l'albatros hurleur hurle, non ? Il hurle sur sa compagne. « Reste avec moi ! Reste avec moi !» Ça doit être ça. Non, mais il n'y a pas de règle. La plupart des singes proches de l'homme ne sont pas monogames. Je pense pas qu'on puisse prendre la nature comme exemple. C'est juste marrant d'en parler pour s'interroger. Je pense que c'est plutôt la société qui détermine nos comportements. Par exemple, il est prouvé que l'indépendance financière acquise par les femmes ces dernières années leur a amené beaucoup plus d'indépendance sexuelle, avec une multiplication du nombre de partenaires. C'est vrai. Et puis, je sais pas, notre génération, c'est le partage aussi. On partage des voitures, des apparts, des jardins. Non mais tu rigoles, mais Blablacar, Airbnb, colocation.fr, ça fonctionne sur le même mode. Tu serais pas sociologue, toi? Comment t'as deviné? La génération future, des vies décuplées. Dans l'appartement de Pablo et Jeanne. Jeanne ? Oui ? C'est quand mon prochain jour avec toi ? Je sais plus, regarde ton agenda. Attends. Lundi, t'as noté Romain ? Mardi, Alex. Mercredi, il y a un point d'interrogation. Oui. Mercredi, je sais pas encore. Peut-être que je me reposerai un peu quand même. Ouais. Ah bah voilà, jeudi, c'est moi. Oui. Jeudi, c'est à nouveau toi, mon amour. Parfait. Tu me montres ton agenda ? Ouais. Attends. Je vais en profiter pour t'inscrire le jeudi, du coup. Voilà, c'est fait. Parfait. Donc, moi, lundi, je vois Anna. Mardi aussi. Ah ouais ? Tu la vois deux soirs de suite ? Non, mais c'est parce qu'après, elle part deux semaines. Pas de problème, mon amour. Et puis, j'irai chez elle. Comme ça, je te laisse l'appart pour tes rendez-vous. Ah, c'est parfait. Voilà. Et puis, je verrai peut-être mes réédits de samedi prochain. Et Natacha ? Il n'y a que 7 jours dans une semaine. Ouais. Mais ça va plus trop entre nous, de toute façon. Ah bon ? Je croyais que c'était super. Elle est compliquée, jalouse... pas tout à fait à l'aise avec nos pratiques. Je crois qu'elle va redevenir mono. Ouais, elle sait pas ce qu'elle loupe. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait ce gars-là? Mais je sais pas, je connais pas son boulot, moi. Bah, tu me dis qu'ils sont ensemble ou pas? Non, mais avec lui, c'est plutôt un PC. Non, un PC, non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un plan cul. Je comprends toujours pas. C'est-à-dire une relation uniquement sexuelle. Ah. PC, plan cul, PCR, plan cul régulier, PCRA, plan cul régulier affectif. Mais Pablo, arrête, tu vas les perdre. Non, mais c'est quoi la différence entre un PCRA et une relation normale? Il peut y avoir de l'affection sans qu'il y ait de l'amour. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est compliqué, vos pratiques. Vous faites mal au crâne, les enfants. Comment vous vous en sortez avec toutes vos relations? Ça a l'air très compliqué. Mais il n'y a rien de compliqué, au contraire. Tout est écrit, on a notre Google Agenda, c'est très pratique. Google Agenda? Google Agenda, notre agenda partagé. Donc bref, on a notre agenda en ligne sur Internet et on organise nos soirées à l'avance avec nos différents amoureux et tout est écrit noir sur blanc. Mouais. Pourquoi tu dis mouais? Parce que je trouve que tout ce côté pratique, ça casse un peu le charme. Je suis d'accord avec toi, ce qui est beau dans l'amour, c'est l'imprévu. T'imagines un Google Agenda et puis tout se dire, oh non, il faut être encore plus transparent qu'avec la monogamie. Quand tout est trop organisé, c'est un peu plan-plan. Donc vous trois, là, parrain, maman, papa, vous pensez pas être polyamoureux? Non, mais moi je pense que c'est un trouble. Un couple à trois, quoi. Bah... C'est compliqué, ma chérie. Pourquoi voulez-vous absolument mettre un nom sur les choses? Encore un peu de tarte? Je ne sens pas très trouble. Quand j'étais petite, mes parents m'amenaient souvent à l'océan. Il y avait plein d'albatros. On pouvait rester des heures sur la plage à les regarder voler. Ils ont de très grandes ailes, ce qui fait qu'ils passent 90% de leur vie à planer dans le ciel. Je les admire pour ça. Tout comme j'admire leur fidélité. L'image romantique qu'ils véhiculent, à voler à côté de l'albatros femelle qu'ils ont choisi pour la vie. Mais je ne suis pas un albatros. Et pourtant j'aime. Je t'assure que j'aime vraiment. Cher auditeur, toi qui m'écoutes dans ta voiture, dans ton lit ou face à la mer, tu as forcément ton avis sur la question. Tu as forcément aimé, d'une façon ou d'une autre, à deux ou à plusieurs. Ce qui est certain, c'est qu'il y a autant de façons d'aimer que d'être humain sur cette terre. 1 + 1 font 2. Et on devient alors une multitude de têtes pensantes et de cœurs à prendre. C'était Petit traité d'une génération polyamoureuse. De Leslie Menahem. Avec Rebecca Marder, Jeanne. Stéphanie Schwarzbrod, Louisa. Gabriel Ledose, Paul. Christophe Raymond, Tony. Guillaume Marquet, Pablo. Julien Cibre, Maître Poli. Morgane Hainaut, la maîtresse. Agathe Le Bourdonnec, Jeanne Enfant. Antonin Chalon, Dimitri. Camille Naoum, une femme. Et les voix de Sébastien Faglin. Zelda Pérez. Julien Marclan. Vincent Pradoura. Céline Le Costumaire. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Bastien Varigou. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Juliette Eman. Lazy diamond studded flunkies. She has. see you live on Love Street. There's the store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far. Affaire sensible, Fabrice Drouel. Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui, petit traité d'une génération polyamoureuse. Notre invitée, Andrea, polyamoureuse elle-même et animatrice de sa propre chaîne YouTube, Concrètement Moi. ...55% des couples en ville aboutissent à une rupture et bien souvent vont réitérer la même histoire ensuite dans une succession donc d'unions et se sentent dans une impasse. Donc est-ce que le polyamour pourrait représenter une nouvelle forme de couple? Eh bien c'est une question qui va arriver d'un point de vue masculin assez fréquemment puisque les hommes dans la construction des représentations de la sexualité, eh bien l'adultère a une place importante dans notre société judéo-chrétienne qui s'est construite un petit peu avec cet acte de transgression, avec encore les douleurs que ça génère. On entend souvent les mots de victime, de trahison, de souffrance de la part des femmes quand il s'agit de leur mari. Mais ce qui se passe actuellement, c'est que les femmes parlent finalement très souvent du polyamour comme étant peut-être l'alternative à l'adultère subi. Souvent, on fait un amalgame avec la polygamie ou le libertinage. Le polyamour, c'est une question d'amour. Dans la langue française, on n'a qu'un seul mot pour dire amour. Alors c'est que les Grecs en avaient trois. Eros, philia, agapé. Donc déjà, ils faisaient la différence entre le physique, l'excitation sexuelle, et puis l'affectif. Eh bien, le polyamour, c'est pouvoir aimer plusieurs personnes aussi de manière différenciée, sans attendre qu'une seule personne vienne combler la conjugalité, l'érotisme, la parentalité. Ce qui se passe souvent, c'est que dans la philosophie des polyamoureux, on retrouve une forme d'altruisme et d'humanisme très poussée. Ainsi parlait Magali Crozet-Callisto le 29 mars 2017. C'est une sexologue clinicienne et psychologue spécialisée dans les addictions. Elle répondait à Mathieu Vidard dans l'émission La Tête au Carré. Bonjour Andrea. Bonjour. Alors je vous présente comme vous l'avez choisi. Issue d'un couple exclusif, mariée, deux enfants, devenue polyamoureuse il y a 3 ans. Et vous parlez de votre transition vers le polyamour, justement, de la jalousie, de la façon de vivre, vos relations. Vous en parlez sur votre chaîne YouTube, Concrètement Moi. Voilà. Alors, Andrea, pourquoi déjà êtes-vous devenue polyamoureuse? Et qu'est-ce qui a déclenché ce changement de vie? Alors, ce qui a déclenché ce changement de vie, on va dire qu'il y a deux choses. Il y a une première chose très concrète, c'est que mon mari, avec qui j'étais depuis 18 ans, est tombé amoureux d'une autre femme. Donc à ce moment-là, alors tombé amoureux, maintenant lui il dirait pas forcément tombé amoureux, il est devenu très intime, très proche d'une autre femme. Et du coup, il a fallu gérer ça. Et du coup, la deuxième raison, on va dire que c'est quelque chose qui correspond complètement à nos valeurs. Donc on a voulu gérer ça en devenant polyamoureux parce qu'on en a beaucoup parlé, parce qu'il n'y a pas eu de tromperie, de mensonge, qu'il y a eu beaucoup de communication, de respect, d'écoute et que ça concordait complètement avec nos valeurs. Donc vous faites partie des gens, et d'ailleurs vous le prouvez, qui considèrent, et qui vivent d'ailleurs selon ce principe, que on peut être amoureux de plusieurs personnes. Alors vous vous rendez compte quand même la barrière sociologique que ça fait tomber quand même, parce que on nous dit mais non, on est amoureux quand on est un homme d'une seule femme ou d'un autre homme d'ailleurs, ou quand on est une femme d'un seul homme ou d'une seule femme, voilà. Et finalement on s'aperçoit que tout ça n'était qu'un concept et qu'un dogme. Vous le pensez aussi ? Je le pense complètement aujourd'hui, après 3 ans, justement, de pratiquer, d'essayer de devenir polyamoureuse, entre guillemets. C'est pas devenir polyamoureuse, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on l'est profondément et naturellement dès le début, mais c'est de déconstruire tout ce qu'on nous a inculqué. C'est complètement ça, c'est de se rendre compte que, oui, on aime naturellement plein de personnes de plein de façons différentes, mais qu'on nous a toujours mis des cases dans la tête, du genre, voilà ce qu'est un couple, voilà ce qu'est l'amour, voilà comment ça marche, sinon, attention. Pourquoi déconstruire ? Une volonté de déconstruire, c'est un principe pour construire autre chose de plus solide. Donc vous considérez qu'aimer plusieurs personnes à la fois, ou en même temps, je sais pas comment dire, et de l'assumer, c'est important, c'est construire quelque chose de plus fort ? Je pense que c'est construire quelque chose de plus fort, de plus libre et de plus épanouissant. De plus libre, vous avez employé le mot libre. Est-ce que c'est le mot charnière de cette attitude-là ? Liberté ? Oui, je pense que c'est vraiment liberté, non contrainte et non possession. Et vous refusez le terme de libertinage, parce que dans libertinage, il y a quand même liberté, la racine du mot est la même. Alors je refuse rien du tout, c'est juste que moi je vis pas comme ça. D'accord. Dans le libertinage, effectivement, moi j'y vois une non-exclusivité sexuelle purement, et dans le polyamour, j'y vois une non-exclusivité qui s'étend au sentiment, à la relation amoureuse. Et du coup, non, je refuse pas forcément, c'est juste que c'est pas ma façon de vivre aujourd'hui mes relations. Et dans le polyamour, la dimension du sexe, de l'acte sexuel, amoureux par le sexe, elle est obligatoire ou au contraire, on considère qu'on peut aimer sans le sexe physique ? Alors, justement, le fait de déconstruire le couple, ça m'a permis en fait de déconstruire même la notion d'amour, la notion de couple, et de me dire, mais qu'est-ce qu'un couple ? Qu'est-ce qu'une relation amoureuse ? Qu'est-ce qu'une relation amicale ? Quelles sont les frontières ? Je me suis posé beaucoup de questions, j'en ai parlé à beaucoup de monde, et aujourd'hui, je dis que je vis plusieurs relations amoureuses, pour que ce soit, on va dire, un peu compréhensible dans le langage de la société actuelle, mais je sens que je vis plusieurs relations qui sont très différentes et qui sont chacune uniques. Et du coup, avec chaque personne, je vais créer quelque chose d'unique qui sera justement ce lien entre cette personne et moi, ce lien empathique. Et du coup, il y a des personnes avec qui je vais avoir certaines affinités, d'autres personnes avec qui je vais avoir d'autres affinités. Donc du coup, je vais plus me mettre de barrières. Avant, je me disais, si t'es en couple avec quelqu'un, il faut qu'il y ait relation sexuelle, il faut que vous voyez souvent, il faut que si, il faut que ça. Je me mettais plein de règles et plein de barrières. Et aujourd'hui, quand je crée des relations, je me dis pas il faut. Je vois si avec la personne, il y en a avec qui j'aime rire, il y en a avec qui j'aime pas rire, il y en a avec qui j'ai des longs débats intellectuels, il y en a avec qui non, il y en a avec qui j'ai un fort attrait physique, il y en a non. Et je me mets plus de barrières, je me dis juste, vis cette relation, mais alors en toute transparence, vois quelles sont tes envies, tes besoins, les besoins et les envies de l'autre, et puis construisez ce qui vous fait du bien. Oui, mais alors on revient au simple concept de l'amitié, finalement. On n'est pas dans l'amour. Je ne sais pas quelle est la différence entre l'amour et l'amitié, au final. Oui, bah oui, parce que si vous aimez plusieurs personnes, on aime tous plusieurs personnes avec qui on ne vit pas forcément, avec qui on n'a pas une relation d'amour forcément, bah ça s'appelle des amis, tout simplement, non ? Eh ben, je sais pas si vous, en fait, s'il y a de la tendresse, de la sexualité avec les amis, oui. En fait, quelle est la différence entre amitié et amour? Ah ben, ça, écoutez, vous me posez une question à laquelle je vous invite à répondre parce que c'est pas. Eh ben, c'est une question que j'ai posée à beaucoup de gens autour de moi, en fait, quand j'ai commencé à me poser toutes ces questions sur le polyamour. Et je me suis rendu compte que personne n'avait, qu'il n'y avait pas une limite franche et nette et qui était la même pour tous. Et que chacun mettait sa limite à des endroits différents. Et qu'aujourd'hui, j'ai plus vraiment envie de mettre ma limite quelque part. Voilà, comme je vous disais, j'ai vraiment envie de laisser vivre mes relations. Et après, ben, définir l'amour. Il faut définir l'amour pour dire est-ce une relation amoureuse ou non. Voilà, moi, c'est pas si facile de définir l'amour. Certes. Maintenant, c'est pas si facile non plus de s'organiser en fonction de ça. On est en couple, bien. Et puis, on est amoureux, on aime d'autres personnes. Comment on s'arrange avec ça? Alors, on s'arrange. Je suis très prosaïque là. Non, mais c'est très bien. On s'arrange, moi, de mon côté, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui fonctionnent différemment. De mon côté, je vais dire que je m'arrange de manière égalitaire et démocratique, que nous sommes tous des personnes libres à égalité et que ben on va prendre en compte les besoins de tout le monde, voir qui a envie de voir qui, comment, en parler ensemble et trouver des solutions où tout le monde est bien. Dites-moi, Andrea, est-ce que vous vous sentez plus heureuse aujourd'hui qu'avant ? Beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie. Ça m'a permis vraiment de, bah déjà de voir les relations humaines différemment, de les vivre différemment et de, on va dire même de commencer à m'intéresser à plein de concepts comme la communication non violente ou des choses comme ça, à m'intéresser à mes besoins et à une façon de communiquer beaucoup plus saine parce que créer un équilibre à deux dans un couple, c'est assez intime un couple au final. Créer un équilibre à deux, on va petit à petit se mettre d'accord sur des façons de fonctionner, des façons de faire. Mais quand il y a une autre personne, puis une autre qui s'ajoute, ça devient plus compliqué. Et du coup, il faut apprendre vraiment à communiquer de la manière la plus saine possible pour que tout se passe bien. Et comment ça se passe avec les membres de votre famille ? Alors, je parle de l'ascendance, la famille collatérale, les frères, les sœurs, les parents, les grands-parents, je sais pas. Ils savent tous, ils savent votre façon de vivre et que disent-ils, oui. Et comment ça se vit ? Alors, ils connaissent tous ma façon de vivre. Hein. C'est quelque chose que j'assume. Oui, en plus avec votre blog. Que ce soit les collègues, le boulot, les amis, la famille. C'est aussi pour ça que je suis à l'antenne et que j'ai ma chaîne YouTube. Mais du coup, on va dire qu'ils ont tous des opinions différentes sur cette façon de faire. Ils ne sont pas du tout polyamoureux, hein, ni mes frères, ni mes parents, ni dans la belle famille. Ils comprennent plus ou moins, ils sont plus ou moins d'accord. Mais après, j'allais dire de manière générale, je trouve que le polyamour reste un sujet assez tabou, ouais. Et que les gens n'ont pas forcément envie de venir m'en parler, même s'ils savent que je le suis. Et ceux qui sont en désaccord, ils vous disent quoi, par exemple ? Ils vont me dire que c'est pas une façon saine de fonctionner, que ça va faire du mal, entre guillemets, à ma famille, à mes enfants, que bah, c'est pas la bonne façon de faire les choses. Ouais, parce que c'est pas leur façon. Et puis parce que c'est une ça. Façon qui est, j'imagine, et on va y revenir tout à l'heure dans 3 minutes. Je sais pas si ce polyamour est très répandu dans la société française, si des études sociologiques ont donné la réponse. Si vous avez cette réponse, vous nous la donnerez dans 3 petites minutes. Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, l'image claire et la floue, sur mes sentiments illimités. Je travaille pour l'amour sans rendez-vous. Je veux voler sans me faire attraper. Le vide, je vais le remplir de bons ou de mauvais souvenirs. Le vide, je veux le remplir avant que mon âme s'assèche et que je craque. Je veux tout, le silence et les promesses. Ton sourire et puis tes fesses. Je veux tout, toi et tous tes amis, pour tracer mes jours et mes nuits. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, tout de suite et ici. Oh, Andrea, alors, est-ce que le polyamour, puisque c'est la question que je voulais vous poser tout à l'heure, je vous la pose maintenant, est-ce que c'est répandu dans la société française? Est-ce qu'il y a des études sociologiques qui nous donnent des réponses sur ce point? Je vous avoue que j'ai pas du tout regardé les études sociologiques. Non, c'est pas répandu. Par contre, j'ai quand même pas trop de mal à rencontrer des gens. C'est peut-être aussi parce que le fait que je sois une femme aide, parce que je vous avoue que je passe par des applis de rencontre ou des sites de rencontre et que dans ce genre d'application, ben, on a vraiment beaucoup plus une loi de l'offre et de la demande qui est très favorable aux femmes. Comment ça ? C'est-à-dire bah, que quand on est une femme, on va être abordé par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes qui veulent nous rencontrer, on va juste sélectionner. Quand on est un homme, c'est beaucoup plus difficile. Alors moi, c'est toujours transparent et je le dis toujours dès le début, que je suis polyamoureuse, que je suis dans des relations ouvertes, que je suis pas du tout exclusive. C'est très important pour moi d'être franche et de trouver des gens qui sont complètement en accord avec ces valeurs-là. Et du coup, je trouve, enfin, j'ai trouvé pas mal de polyamoureux au final, hein, là, depuis 3 ans, avec qui j'ai vécu des relations. Donc, j'ai pas trop de difficultés à en trouver. Par contre, quand je leur en parle, ils me disent que de leur côté, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de trouver des femmes. Et êtes-vous la même, très franchement, êtes-vous la même ou une toute autre femme avec vos différents partenaires, les différentes personnes que vous aimez? Tiens, je vais dire comme ça, les différentes personnes que vous aimez. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir une stratégie un peu de caméléon, de changer de psychologie en fonction de la personne? Vous avez un peu répondu tout à l'heure à cette question, c'était plutôt de l'adaptation, vous faites des choses avec cette personne parce que tous les deux vous aimez faire ça ensemble et puis vous faites d'autres choses avec d'autres personnes. Mais est-ce que vous vous sentez changer, vous, prendre plusieurs personnages? Alors, pas du tout, du tout. Vraiment, moi, quand je crée des relations, ce que j'ai envie de créer, c'est d'être moi-même, d'être le plus profondément et sincèrement possible moi-même, et que l'autre soit lui-même, et de justement créer à partir de ça un équilibre qui se fait naturellement, un feeling qui va tout seul, et du coup, je fais aucun effort d'adaptation, je laisse vivre mes relations, et je suis au maximum moi-même, sauf que moi-même, elle va réagir différemment selon la personne qu'elle a en face, et que du coup, comme il y aura des situations différentes, je vais réagir différemment, mais je vais juste au maximum m'écouter, me respecter, et puis écouter l'autre, respecter l'autre. Vous aimez combien de personnes, vous ? Où ? Vous ? En ce moment. Oui, oui, moi. Ouais. Que je réfléchisse. je pense qu'en ce moment, on va dire 4 personnes. 4 personnes. D'accord. Et est-ce que vous avez parfois le sentiment de jalousie ou est-ce que les personnes que vous aimez, qui forcément savent que vous aimez d'autres personnes, sinon vous ne les aimeriez pas, est-ce qu'il y a la jalousie qui traverse ces relations-là? Parce que ce serait humain, après tout. Alors, il y a eu de la jalousie au tout début, quand j'étais pas encore polyamoureuse, quand j'ai décidé de devenir polyamoureuse et que mon mari était déjà amoureux d'une autre femme et que j'étais pas du tout préparée à cette éventualité. Depuis que j'ai commencé justement à réfléchir à toutes ces notions d'amour, à travailler sur moi-même, sur mes émotions, sur la façon de communiquer, je ne ressens pas de jalousie, aucune jalousie envers le fait que ben, les personnes avec qui je suis en relation aient d'autres relations. Et on va dire que oui, avec mon mari, la première relation a été très difficile à vivre, mais ensuite, non, ça va, mais ça ne veut pas dire que je n'en ressentirai plus jamais. La jalousie, moi, je l'ai travaillée d'une façon... Je l'ai jamais repoussée, ma jalousie, la première que j'ai ressentie. Enfin, je l'ai repoussée au tout début. Mais ensuite, pour, entre guillemets, cheminer avec, j'ai pas essayé de la combattre. J'ai vraiment essayé d'écouter ce que ça voulait dire. D'écouter les émotions qu'il y avait derrière, toutes les émotions que je repoussais, de comprendre la peur qu'il y avait derrière, de comprendre tout ça. Et à partir de là, j'ai décortiqué. Et non, depuis, pour l'instant, j'ai pas de jalousie. À travers vos réponses, j'ai l'impression, ou en tout cas vous donnez l'impression que le polyamour, bah, c'est un peu le paradis sur Terre, quoi. C'est un peu la meilleure solution, la bonne solution, tout va bien. Est-ce que ça vous a posé quelques problèmes quand même, et lesquels? Non pas que je veuille démythifier la chose, hein, pas du tout, mais juste en pour savoir. Oui, le polyamour n'est pas du tout le paradis sur Terre. C'est aujourd'hui comme ça que j'aime vivre mes relations. Ça ne veut pas dire que c'est mieux qu'autre chose. Ça veut dire que bah, chacun va vivre différemment ses relations à un moment différent. Moi, je ne vous dis pas que je serai polyamoureuse toute ma vie. C'est vraiment aujourd'hui ce qui me fait du bien. Donc, c'est peut-être mon paradis aujourd'hui, entre guillemets. Mais ce n'est pas tout bleu, tout rose. Mais j'allais dire, c'est comme si j'étais exclusive, ce ne serait pas tout beau, tout rose. Et le polyamour non plus, ce n'est pas tout beau, tout rose. C'est très vivant. Il y a beaucoup d'émotions fortes. Il y a des montagnes russes parfois, c'est une façon de vivre, mais ça ne veut pas dire que je suis tout le temps heureuse, joyeuse et qu'il n'y a que du bonheur. Bien. Dernière question. Est-ce que cette façon de vivre, on peut la mettre entre toutes les mains? Est-ce qu'il y a des dangers? Il y a des dangers. Je pense qu'on ne peut pas la mettre entre toutes les mains. Après, ça, c'est ma vision. Je pense que si, par exemple, une personne est très jalouse, ça ne se déconstruit pas facilement, la jalousie. C'est quelque chose où il faut prendre du temps. Après, je pense que ça dépend aussi de nos valeurs profondes, de la façon dont on voit les relations humaines. Je pense que c'est vraiment à chacun de se poser profondément la question, de voir ce qu'on veut faire, de voir quelles sont nos valeurs, de voir comment on veut vivre nos relations. Moi, après, personnellement, j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose de plus épanouissant que l'exclusivité. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de naturel. J'ai l'impression, même quand je vois mes enfants, par exemple, des enfants de leur âge, j'ai l'impression que ça se fait naturellement au début d'aimer plusieurs personnes, tant qu'on nous inculque pas qu'il faut aimer une seule personne. Bien, merci Andrea. Un mot sur votre chaîne YouTube. Concrètement, moi, enfin, on y a fait un tour, bien sûr, mais pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la chose? Déjà, le titre « Concrètement, moi », pourquoi ce titre? Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers « Concrètement, moi »? Concrètement, moi, bah, c'est vraiment c'est un peu pour selfie, expliquer... concrètement, moi, non? C'est l'esprit. Un peu, pardon? C'est un peu selfie dans l'esprit. Oui, peut-être. C'est vraiment juste parce que j'avais envie de dévoiler la façon dont je fonctionne. Alors, je parle de polyamour, je parle également de développement personnel, je parle également d'éducation. Mm-hmm. Parce que je suis, bah voilà, dans des valeurs qui sont assez similaires de non-contrainte. Et du coup, c'était vraiment pour dire comment je fonctionne parce que entre la théorie et la pratique, il y a souvent tout un monde. Et en théorie, on aimerait, par exemple, ne pas être jaloux, on aimerait que tout se passe bien, on aimerait communiquer de manière la plus saine possible. Mais concrètement, comment on fait quand on est devant le fait accompli et qu'il faut essayer de gérer toutes ces émotions? Donc c'est là que je déconstruis, que j'explique un petit peu comment je fais pour gérer tout ça. Bien, il me reste à vous remercier, Andrea, issue d'un couple exclusif, mariée 2 enfants, devenue polyamoureuse il y a 3 ans. Voilà, merci. Je vous remercie. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, petit traité d'une génération polyamoureuse. Une fiction écrite par Leslie Melaem, réalisée par Juliette Eman. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet et réalisée par Anne Lioro. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Kevin Pelot et Julien Dumont.